قال فلم يزل واقفا أي صلى الله عليه وسلم لبخفت عليه الصلاة والسلام في عرفة فلم يزل واقفا أي في عرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص القرص ودفع القرص الشمس القرص هنديسك أي لسلي هنا ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة هذا لكونسي جبخفة عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم قال للناس أيها الناس السكينة السكينة لأن زحام يجمون il y a des personnes âgées, il y a des enfants, il y a des femmes, etc. Fassekina, c'est muhim. Ne te précipite pas dans des endroits où il n'y a pas besoin de se précipiter. Léana, si tu respectes Sunnah al-An, t'es à Arafah, la nuit elle vient de tomber, le soleil vient de se coucher, tu prends direction Muzdalifa. Bissekina wal-Hudu, tu vas arriver à Muzdalifa avant le soleil. Incha'Allah ta'ala. Dès que tu arrives, tu fais Al-Maghrib ou Al-Isha. Jam'an. Qala hatta. Toujours كلام جابر رضي الله عنه صحيح مسلم حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين نعم donc السنة في صلاة الجمع أذان pour les deux salats et chaque salat son إقامة قال ولم يسبح بينهما شيئا نعم il fait pas de nawafil entre les deux il fait le maghrib trois rak'a directement il se lève directement il se lève Ils font l'iqama et ils font l'isha. Et ils font l'isha. Mas'ala. Alors, on va détailler. Qalilan, هذه المسائل. Première mas'ala, man fatahu al-jam' ma'a al-imam. Fahal yajm' munfaridan. Et ça arrive. Rubbama, tu arrives à Muzdalifa, ils ont déjà fait le jama'a. Si tu trouves une jama'a, fala ishkal, tu fais avec eux. Et on répète al-maghrib ou al-isha. Si tu trouves pas jama'a, قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه في المغني قال يجمع منفردا كما يجمع الإمام ولا خلاف في هذا لأن الثانية منهما تصلى في وقتها نعم donc que tu sois avec l'imam ou tout seul tu fais le jama'a لماذا لأن المغرب tu l'as retardé قدر أن المغرب مثلا il est à, هناك مثلا il est à 6 heures du soir Anta à 6h du soir, t'es parti de Arafah. T'arrives, matalan, qaddaron, t'arrives à 21h, ou 22h. Quand t'arrives, c'est waqt al-isha. Là, chaque que tu dois faire le jam'a, tu dois rattraper le maghrib que t'as pas fait, tu le fais, et ensuite tu fais l'isha, et l'isha il est à son heure. Fait que ça soit avec l'imam ou munfaridan, comme a dit l'imam Ibn Qudama, rahmatullah alayhi. Donc, as-sunnah c'est le jam'a. Et quand on dit on a retardé le maghrib, C'est pas, il ne faut pas comprendre là, si tu peux le faire à l'heure, tu le fais à l'heure. Là, as-sunnah, c'est de le retarder. As-sunnah, c'est de le faire avec l'isha fi Muzdalifa. Enfin, on respecte cette sunnah. Thumma, yamkuth fi Muzdalifa. Ay, al-had, donc, il a fait al-maghrib ou al-isha, il arrive à Muzdalifa. Fa yamkuth, ay, yajlis hunak, yanam hunak. Qala, yathkurullah ta'ala. Wa yustahab lah. أن يحمد الله ويكبره ويهلل ويوحده ويدعوه ولا يزال كذلك حتى يشتد الضوء نعم donc il reste في مزدلفة il passe la nuit هنا سيأتي معنا أن السنة c'est النوم كذلك أنه il doit dormir pour se préparer pour le lendemain لكن quand il arrive là بس il fait du ذكر toujours التلبية et دائما التهليل etc يذكر الله سبحانه وتعالى والحذر الحذر هناك من كذلك on répète souvent من الجدال والقيل والقال والكلام الفارغ لأن c'est un جمع كبير et ربما tu trouves des personnes ils n'ont pas de عناية بالسنة بالعلم الجهل ils connaissent pas ces choses فربما يبيتون هناك toute la nuit et يتكلمون كلام il a pas de فائدة لا tu fais du ذكر Tu fais du'a, etc. At-talbiya. Thumma, tu dors comme sayati. Comme il a fait al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. La journée d'après, c'est la plus longue, c'est la plus difficile. Min hayt al-a'mal. La journée d'après, comme ta'lamoun, il y aura al-rami. Il y aura al-halq, ou al-taqsir. Qabla dhalik, il y aura al-dabh. Il y aura al-tawaf, il y aura al-su'i. Tout ça dans la même journée.

أي مزدلفة. ولي ابن عباس le prophète صلى الله عليه وسلم il lui a dit de prendre des personnes qui étaient du'afa Rubama de ses proches et il leur a dit de partir la nuit et de pas attendre le fajr. Ça c'est un délil. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سوداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس فأذن لها متفق عليه. كذلك سوداء a demandé la permission au prophète عليه الصلاة والسلام de partir avant le fajr. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a donné l'autorisation. كذلك في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت تنظر أو تنتظر حتى إذا غاب القمر فدفعت. Et ça, ce athar, il est important, il te montre al-waqt pour partir. بعض الفقهاء dans les livres, quand ils expliquent manasik al-hajj, كثير منهم ils citent نصف الليل après la moitié de l'année. لكن حديث أسماء هذا qu'on vient de citer فيه حتى غاب القمر jusqu'à que la nuit elle disparaît. On est la dixième nuit là. La dixième nuit de Dhul-Hijjah. قال شيخ ابن عثيمين وغروب القمر يكون في الليلة العاشرة بعد مضي ثلثي الليل تقريبا. Ça c'est طيب. Ça nous donne un moment précis. فلهذا الشيخ محمد بن حزام وفقه الله il a dit qu'on part ou ceux qui ont une excuse ils peuvent partir après les deux tiers de la nuit. Après les deux tiers de la nuit. Il s'est basé sur هذا. الشيخ ابن عثيمين يقول بعد مضي ثلثي الليل تقريبا وقد يزيد قليلا وينقص قليلا. نعم باب الاجتهاد اللي معروف dans ce genre de choses on n'est pas à la minute près لكن تقريبا après les deux tiers de la nuit. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد قال والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر. ابن القيم il te montre c'est quand الضعفاء ils peuvent quitter مزدلفة. قال بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل وليس مع من حده بالنصف دليل والله أعلم. صحيح celui qui ceux qui ont dit après la moitié de la nuit il y a pas de dalil ala hada والله أعلم. Donc le قول الصحيح c'est que الضعفاء c'est واجب عليهم الآن الوجوب مزدلفة c'est pour tout le monde. الضعفاء ceux qui ont une excuse que ce soit les vieux, les malades, etc. Ils ont une rukhsa de partir, de faire que les deux tiers de la nuit. Le dernier tiers, et avant le fajr, eux, ils sont déjà partis. Amma, ceux qui n'ont pas d'excuses, qui ne font pas partie de du'afa, فَقَالَ الْإِمَامُ الشَّنْقِيْتِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي أَضْوَاءِ الْبَيَانِ قَالْ وَالْأَظْهَرْ عِنْدِي فِي هَذِي الْمَسْأَلَةِ هُوَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبِيْتِ إِلَى الصُّبْحِ. صحيح. C'est ça, al-wajib, celui qui n'est pas dans les personnes excusées, il reste jusqu'au subh. قَالَ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلٌ مُقْنِعًا يَجِبَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ مَعَا مَنْ حَدَّدَ بِالنِّصْفِ الْأَخِيرِ. Ça te montre l'importance de revenir au dalil, au burhan. L'imam Shanqiti, rahmatullah alayhi, c'est عالم من علماء السنة. Et il te montre qu'il n'y a pas de dalil muqni'a. Anna, on peut partir après نصف الليل comme c'est cité dans beaucoup de kutub et de rasail. Là, le wajib c'est de rester jusqu'au subh. Ceux qui ont une excuse quand la lune elle disparaît. قال لا مع من اكتفى بالنزول الى ان قال ولا خلاف بين العلماء ان السنه انه يبقى بجمع c'est مزدلفه حتى يطلع الفجر. Et ça c'est un kalam jamil. T'en auras besoin اخي الكريم pour beaucoup de masail. تأمل قوله ولا خلاف بين العلماء أن السنة أنه يبقى بجمع أي بمزدلفة. يا أوكن خلاف entre les ulama que c'est mieux de rester jusqu'au fajr. Il y a un khilaf, بعضهم ils disent que c'est obligatoire. بعضهم ils disent que c'est pas obligatoire. Tu peux partir après la première moitié de la nuit. الآن est-ce qu'ils sont tous d'accord qu'on peut rester jusqu'au fajr? Sans aucun doute, نعم. Donc applique. حتى tu sors من الخلاف. T'as aucun doute. مثلا deux personnes, un frère il reste jusqu'au fajr. Un deuxième frère reste jusqu'à minuit. Est-ce que celui qui reste jusqu'au fajr, il a un doute qu'il a fait le mukhalafa? Abadan, il est resté jusqu'au fajr. L'unanimité des savants que c'est tayyib, c'est mustahab. Est-ce que celui qui est parti, monte à sa velay, est-ce qu'il a un doute? Naam, si on lui cite tous ses aqwal, naam qu'il aura un doute. Naam. Enfin, pour sortir des doutes, tu tahaqqaq, les choses claires. Khas satan, t'es parti que pour ça. Khas satan, c'est qu'une nuit. Khas satan, il y a ajr azim. Khas satan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait hakada. Amma, ceux qui ont une excuse, al-shari'a, rakhassat lahum, ils partent les deux derniers tiers de la nuit. C'est ça, sahih. Thumma qal, hafidhahullah wa muzdalifa, كلها موقف فحيثما وقف الإنسان أجزاءه لحديث جابر في صحيح مسلم حديث جابر celui qui revient avec nous souvent الحديث الطويل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف جمع أي مزدلفة donc ça c'est un rappel أن où que tu sois في مزدلفة t'es considéré avoir fait avoir appliqué cette sunna أي avoir passé la nuit à مزدلفة. Et il n'y a pas un endroit précis. Il n'y a pas un endroit précis. Si tu es à Muzdalifa, quand tu es à Muzdalifa, dans le périmètre Muzdalifa, Inch'Allah, tu as fait ce qu'il fallait faire. Qala Cheikh Abdel Mohsin, Havidahullah, « Wa tu'araf Muzdalifa fi hadha zaman bi wujud alamat kutiba alayha mubtada Muzdalifa wa bi wujud al-anwar al-qawiyya al-idha'a fi ardi Muzdalifa. » C'est comme Arafa. Comme on a expliqué hier, il y a des panneaux, il y a des lumières. Pire des cas, Akhil Karim, habitue-toi à demander. Tu ne perds rien. Fas'alou ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. Tu vois une personne qui est à la khair, tu lui demandes, c'est au Muzdalifa. Khasatan, les gens qui sont de là-bas. Si tu vois un Saoudien, il y a Kathir ibn Abdullah, ils sont propagés là-bas pour montrer aux gens. Enfin, tu lui demandes. Tu lui demandes et Huma, ils ont l'habitude. Huma, ils ont l'habitude. Et il va te montrer, c'est où que ça commence, c'est où que ça s'arrête. Elle m'a passé la nuit ou la moitié de la nuit. Tout le monde, tu te poses des questions là. Et c'est le haqiqa où il y a tout le monde. Où... C'est Muzdalifa. Lakin, quand tu t'écartes trop, tu te retrouves tout seul dans un endroit, pose-toi des questions. Et ça ne veut pas dire que si tu es tout seul, tu n'es plus à Muzdalifa. Là. Lakin, nous, on dit ça pour celui qui a des doutes. Et il y en a Kathir ibn al-Nas, et tu le vois là, tu retrouves dans les fatawa de Ahl al-Ilm concernant le Hajj. Kathir ibn al-Nas, il se pose des questions, il pose la question aux savants. J'étais à cet endroit, est-ce que j'étais à Muzdalifa? J'étais à cet endroit, est-ce que ça fait partie de Arafat? Lakin se pose la question bien après. Amma, s'il n'était pas Arafat, c'est une musiba. Son hajj il est batil. S'il n'est pas Muzdalifa, ça dépend le hukm de Muzdalifa, si c'est wajib. T'as manqué un wajib, si c'est un rukn. Kadalik, c'est pas simple. C'est un tambih pour qu'on se pose des questions avant. On prend cette habitude. Un autre tambih. ليس المقصود عند أهل العلم بإيجاب المبيت أنه يلزمه أن ينام وإنما المقصود المكث نعم et ça on en a parlé أن quand t'entends المبيت من مزدلفة ça veut pas dire que dormir c'est une obligation لا c'est pas une obligation لكن تقدم بعض التنبيهات الشيخ ابن عثيمين il a cité une mas'ala dans son livre شرح الممتع قال هل يشرع أن يحيي تلك الليلة بالقراءة والذكر والصلاة أم السنة النوم؟ Est-ce que la sunna c'est de lire le Coran, faire du dhikr, etc. أو c'est de dormir؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه السنة النوم. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الصبح. نعم. C'est la sunna لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. Et كذلك c'est une chose que tu auras besoin pour le lendemain. Il y en a la journée du 10 de Dhul-Hijjah, et le jour du Eid, fa'a'mal al-Hajj, ils sont kathir. Il a beaucoup d'a'mal à faire. Ce qu'on va détailler, Inch'Allah ta'ala. Qala wa yantaliq al-Hajj mutawajjihan ila mina li rami jamrat al-Aqaba. Donc, après Subh, on va voir. Hadith Jabir, il va expliquer quand est-ce qu'il fait salat subh. Naqra. Qala wa huwa yulabbi wa la yaqta' at-talbiya hatta yashra' fi ar-rami. Sayati ma'ana. Toute cette période là, depuis le 8, quand il est parti, il s'est mis en état d'ihram, la sunna au dhuhr, depuis ce moment jusqu'à maintenant, il a encore talbiya. Labbayk Allahumma labbayk. C'est toujours mashru' et c'est une sunna. An Jabir radiyallahu anhu qala وصلى الفجر حين تبين له الصبح أي في مزدلفة قال بأذان وإقامة قال ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام c'est un petit jabel, une petite colline fi Muzdalifa. Donc toute la nuit, tu la passes fi Muzdalifa. Thumma al-fajr, tu le fais à Muzdalifa, en jama'a. Thumma, tu te diriges هذا الجبل المشعر الحرام سيأتي معنا لنون الجبل لأن المشعر الحرام يطلق كذلك على مزدلفة قال فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا donc jusqu'à que le soleil s'est levé et le soleil s'far et il est devenu jaune. Ça, ça montre que le soleil s'est bien levé. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى. فنحن هذه s'est levé là. فدفع قبل حتى أسفر أي واقفا حتى أسفر أي le jour plutôt. حتى le jour il s'est levé. لأن quand le jour il se lève, تعلمون أن le jour il s'est levé et le soleil il n'est pas encore complètement, il s'est pas levé encore في السماء. Il y a une différence. فقوله واقفا حتى أسفر جدا. Et le jour il s'est levé. Thumma, dès que le jour il se lève, il part avant que le soleil il se lève. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. Quand il arrive à cet endroit, بطن محسر, il a activé le pas. عليه الصلاة والسلام. بطن محسر قالوا هو واد وادٍ بين مزدلفة ومينا. C'est un wad entre Muzdalifa et Mina. أسرع السير قليلا. لكن tous ces endroits الآن où que c'est une sunna de s'activer, de s'empresser, marcher plus vite. في الحقيقة à notre époque il y a زحام شديد. Celui qui peut, alhamdulillah, et celui qui ne peut pas, على الشك أنه il est معذور. Et c'est une sunna, c'est pas obligatoire. لكن celui qui peut le faire, طيب. لكن كما نبه شيخ ابن عثيمين, il y a beaucoup de زحام الآن. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. Donc il quitte Muzdalifa et il se dirige الجمرة الكبرى. C'est où? C'est à Mina. Il retourne à Mina pour lancer les sept pierres في الجمرة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح. قزح c'est le jabal في مزدلفة. C'est une sunna. قال ولا يزال واقفا يدعو حتى يسفر الصبح جدا. هنا il a détaillé ce qu'on a dit. يسفر الصبح. Donc avant que le soleil se lève. وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابو حنيفة وجماهير العلماء. نعم سين سنة. قال ابن المنذر رحمة الله عليه وهو قول عامة العلماء غير مالك. نعم. Tous les savants ils ont cité cette sunna sauf l'imam Malik. قال فإنه كان يرى أن يدفع منه قبل الإسفار. نعم لكن الحديث إليه واضح. الإمام مالك رحمة الله عليه il voyait que tu pars avant الإسفار avant que le jour se lève أي après الفجر. قال دليلنا حديث جابر السابق وهو الصحيح. هذا cette petite phrase elle te résume comment faire quand il y a un khilaf بين أهل العلم. Ibn al-Mundhir, il te montre qu'il y a un khilaf, qawl ammat al-ulama, il te montre que l'imam Malik, il a un qawl, il te montre que le dalil est wadih, et c'est sahih. Tout en respectant la vie de l'imam Malik. Rahmatullah alayhi. Qala al-Sheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, wa muzdalifa, kulluha mawqif, fa haythuma waqaf fiha jaza. Aïe, n'am. Aïe, t'es pas obligé d'aller dans ce jabal, Qozah. المشعر الحرام لا si tu peux طيب si tu sais passer où ou t'as pas le temps ou y a du monde ou t'as un sabab min al-asbab ou que tu sois à Muzdalifa tu fais du'a tu te mets en direction de Qibla hatta yasfir al-subh et tu pars en direction de Mina. تقدم معنا كثيرا لدليل حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف أي جمع مزدلفة. Donc à partir de maintenant t'es rentré au subh, la journée elle commence, t'es rentré dans le dixième jour de Dhul-Hijjah et c'est un jour important jiddan pour Al-Hajj, celui qui fait le Hajj. Arafah est ce dixième jour لأنه Arafah il y a Al-Hajj ou Arafah il y a un rukm azim كذلك ce dixième jour il y a des arcanes Al-Tawaf etc. Enfin, c'est un jour muhim. Et ce jour, il y a beaucoup d'a'mal. Parmi les a'mal qu'on va voir ce dixième jour, le premier c'est Rami Jamrat al-Aqaba. Aïe, al-an, après Muzdalifa, on a fait le subh, on attend que la journée, le jour il se lève, Thomas, on prend direction de Mina pour lancer les pierres fi al-Jamrat, Jamrat al-Aqaba. Après al-Jamrat, on va voir al-Nahar, Aoud Zabh, Mouhim, sacrifice, sacrifier une bête. Thomas, se raser la tête, et c'est afdal. Aou diminuer. Lakin al-afdal se raser comme on a vu fil l'umra. Thumma, tawaf al-ifada. Après s'être rasé, al-tawaf. Et après le rasage, on va voir qu'il devient halal. Tout lui est permis, il remet ses vêtements, etc. Sauf al-nisa. Il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme. Lakin, tout le reste c'est permis. Il peut mettre du parfum, il peut se raser les cheveux, etc. Thumma, tawaf al-ifada. Donc, il revient à Mecca. Majid al-Haram, et il fait tawaf autour de Kaaba avec ses vêtements normaux. Il n'a plus al-izar ou al-rida. Thumma, il fait sa'i. Tout ça, les quatre, ça, tout ça, c'est a'mal yawm al-nahr, yawm al-id. Donc on répète, tu jettes les pierres, jamrat al-aqaba, rami jamrat al-aqaba, ensuite al-nahr ou al-dhabh, ensuite al-halq ou al-taqsir, ensuite al-tawaf ou al-sa'i. Et c'est ce qu'on va voir. الآن أما الحلق والطواف والسعي والنحر تساوى لله الحمد on l'a vu. الحلق والتقصير والطواف والسعي on l'a vu dans دروس العمرة et ce qui est rapport avec النحر والدبح etc. On avait fait une kalima avec les frères quand on était à Damas ولله الحمد et on l'a propagé il y a un moment. On détaillera pas هذا. On détaillera نحن surtout les moments. Est-ce que tu peux faire celui-là avant celui-là etc. أما الرمي on va détailler les أنه on l'a pas encore vu. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى وليس هناك موضع مخصوص للقط الحصى بل يلقط الحاج الحصى من حيث تيسر له. Premier tambi, tu vas en direction de, tu quittes Muzdalifa, tu vas pour la Mina pour lancer les cailloux fil Jamra. Il n'y a pas d'endroit précis pour prendre les cailloux. وعد الجهال, il pense que c'est mieux tel endroit, il faut des pierres, ou il faut les laver, ou il faut les parfumer. Tout ça, la Dalil Ali. Dès que tu arrives près d'Al-Jamra, un endroit où il y a des cailloux, tu les prends, des cailloux, sayati ma'ana, d'une certaine taille, d'une petite taille, ou atarmi. قال بل يلقط الحاج الحصى من حيث تيسر له واذا وصل الى جمره العقبه رماها بالسبع حصيات صغيره مثل حصى الخطف. نعم. العلماء يقولون un peu plus que le hummus, أي des cailloux معروف, des petits cailloux, والغلو في هذا وفي غير هذا c'est مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. Quand بعض الناس ils ont lancé des cailloux plus gros, النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو وقال وبذلك فرموا, il leur a montré des cailloux, des petits cailloux. قال الإمام النووي رحمة الله عليه فيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منا أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها ويكون ذلك قبل نزوله. Première chose que tu fais quand tu arrives à Mina, avant d'aller dans les tentes, etc., as-sunnah, tu vas directement et tu jettes les sept cailloux في جمرة العقبة. فإذا وصل جمرة العقبة رماها بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخذف ولا يجزئه الرمي بالأحجار الكبيرة أو بالنعال أو الجلود وغيرها لأن هذه عبادة توقيفية. Ces pierres que tu jettes, le nombre, cette fois, et le genre de pierres, des petites pierres, tout ça c'est une ibada. Donc tu n'as pas le droit de changer. Wahad il dit là, moi je ne veux pas jeter des pierres, je veux jeter autre chose. Mardoum il lance des ni'al, des bouts de tissu, des papiers, il écrit des choses dessus. Tout ça c'est là. كذلك si واحد dit مثلا moi je veux pas jeter que 7 fois, je veux rajouter, je veux jeter 10 fois. لا لا عبادة توقيفية. On a un شرع, on a un نبي, il nous a démontré خذوا عني مناسككم, on fait comme lui. مسألة حكم رمي جمرة العقبة. الآن الحكم, أي le jugement de se lancer de pierre في جمرة العقبة. ذهب جمهور العلماء إلى أنها واجبة وليست بركن. Et c'est ça le sahih. C'est واجب, c'est pas un ركن. واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بمثل هؤلاء فرموا وقوله صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné Il a ordonné de lancer. Donc c'est wajib. فهو قول عامة العلماء ورجحه الإمام ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. نعم منظر فتح العلام كتاب الحج إلى ديتاي هذه المسألة. قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي. نعم. Donc c'est l'afdal, c'est fait duha, comme il a fait le Nabi alayhi salam. Waqt al-duha, après le lever du soleil. Quand il va en direction de Mina, il va arriver waqt al-duha et il lance les pierres jamrat al-aqaba. Hada, c'est sunnah. Lakin yujzi hatta le fajr de l'autre jour. Kama sayati ma'ana, si on n'oublie pas de faire at-tanbih. On verra mas'alat les demain inshallah, na'am, on verra hada. Aïe, le fait de faire passer al-tawaf avant le halq, ou al-taqsir, ou al-sa'i avant al-rami. Aïe, les quatre a'mal qu'on a dit, al-rami, al-nahr, al-halq, al-tawaf, al-sa'i. On verra que al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé, quand il a fait le hajj, بعض sahaba, ils avaient fait précéder ce amal avant d'autres, et al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, if'al wa la haraj. On verra cette mas'ala demain. Inch'Allah. Qala wa yukthir ma'a أو يكبر مع كل حصى يرميها. Et ça, ça, ce passage, il nous démontre comment tu fais. Tu jettes, donc tu as sept pierres, tu jettes et chaque pierre, quand tu jettes, tu كبر. Tu dis Allahu Akbar. قال يرميها والوقت المختار لها الرمي هو الضحى. Ça, c'est أفضل. قال وإذا تأخر إلى بعد الزوال أو إلى الليل أجزأه وخالف الأفضل. نعم. Si il retarde jusqu'au dhuhr ou jusqu'à la nuit, n'am, jusqu'au fajr et toute la nuit, s'il retarde jusqu'au fajr, ajza'ahu lakin ila khalif al-afdal. Wa idha waqa'at al-hasa kharij al-hawd fa innahu yu'id ukhra badalaha. Ça c'est muhim. Ceux qui ont été au hajj, ils عرفون هذا ان al-jamara c'est comme un hawd. Un hawd c'est comme un bassin en béton. Et Anta, tu dois tirer la pierre dans ce bassin. Si elle passe à côté, tu t'en rends compte, tu tires une autre à la place. La pierre, elle doit rentrer via al-hawd. قال وإذا شك الحاج في عدد ما رمى بنى على الأقل وزاد حصى فإذا شك هل رمى بخمس أو بست جعلها خمسا وهكذا. Et ça c'est une qaida. Une qaida dans les ibadat où il y a un nombre. Si tu as un doute, tu te bases sur le nombre inférieur. À Salah, tu as un doute. Est-ce que tu as fait 3 ou 4? Base 3 sur 3. Al-Yaqin la yazul bishak. Al-Wudu, min hadal bab. Al-Tawaf, min hadal bab. On a expliqué. Al-Sa'i, min hadal bab. Et les pierres, on a min hadal bab. Qala Cheikh Abdel Aziz bin Baz, rahmatullah alayh, fi al-Tahqiq wal-Idah. C'est une risala mukhtasara fi manasik al-Hajj wal-Umrah. هي لنافعة قال يرفع يده عند رمي كل حصى ويكبر ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومن عن يمينه. Ça c'est la position que tu dois avoir et c'est أفضل. Donc الكعبة elle est à ta gauche et Mina c'est à ta droite et Al-Jamra elle est en face de toi. Celui qui a pas fait le Hajj ou l'Umrah, il aura du mal à se repérer. Lakin hunak tas'al. Et tu verras que c'est évident. Quand tu arrives de Mina, tu demandes la direction de Mekka. Donc Mekka, ça sera à ta gauche, et le Kaaba. Mina à ta droite, et le Jamrat sera en face de toi. Qala li fi'li nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sayati ma'ana. On citera le délit. On le cite l'an. Fi sahihayn an Abdillah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, annahu ja'ala al-bayt an yasarihi wa mina an yamine. Ça c'est ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il s'est placé Al-Ka'ba à sa gauche et Mina à sa droite. Warama min batni l'wadi. Thumma il a lancé les pierres. Min hada al-makan, min batni l'wadi. Wa qala radiyallahu anhu, hada al-maqam alladhi unzilat alayhi surat al-Baqara. Et c'est cet endroit où le prophète sallam, il a fait comme ça. Et le prophète sallam qui a reçu surat al-Baqara. Qala al-hafidh, rahmatullah alayhi fil fath, al-afdal al-rami min batni l'wadi, wa min hayth haramaha jaza. Na'am. Al-afdal c'est hakada, cet endroit, cette position. Lakin si il est al-Ka'ba, c'est l'inverse, ou il est en face, ou il est derrière min al-jamra, etc. Tout ça c'est jaiz. Hada c'est mustahab, cette position. Al-muhim c'est que la pierre, tu la mets dans hada al-hawd. en la lançant et en disant Allahu Akbar. قال ابن قدامة رحمة الله عليه ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى. المرمى c'est هذا الحوض. قال فإن وقع دونه لم يجزئه. نعم. Si tu manques en tirant, tu ne tires pas dans cet endroit qui est fait pour Al-Jamra, tu relances une pierre à la place. Fali hada, si tu as compris hada, tu prends plus que cette pierre, ma'ak. L'essentiel, c'est que cette pierre, elle arrive dans l'endroit qu'il faut. Lakin, si tu prends une dizaine de pierres ou plus, hada tayyib. Hatta si tu as un manque, tu as une pierre. L'ana ta'lamoun hunak, khasatan ayyam al-hajj, ziham shadid. Et si tu viens à chercher une pierre à ce moment, tu prends plusieurs pierres avec toi, plus que sept. Hatta si tu as eu un manque, ou t'en as perdu, ou t'en as fait tomber, tu as toujours des pierres, ma'ak. Et si tu ne trouves pas, tu recules un peu, hatta tu as des pierres, et t'as remis. Et il n'y a aucun mal de prendre une pierre que Wahed il avait, la shayfi. قال وبه قال أصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلاف. هذا الكلام من المغني. قال الشيخ ابن عثيمين, un dernier tambih. في شرح الممتع قال قوله رماها بسبع حصيات قال قد يفهم منه أنه لابد أن يرمي الشاخص أي العمود القائم الجمرة c'est comme un bassin en béton un cercle هكذا en béton et au milieu il y a un عمود il y a un pilier بعض الناس ils pensent qu'obligatoirement la pierre il doit toucher هذا العمود ce pilier et هذا c'est un خطأ et هذا c'est une cause de zihab. Il y en a بعضهم, celui qui a été, il a vu هذا. Il y en a بعضهم, ربما, il tire des dizaines de pierres pour toucher Al-Amoud. Dès qu'il touche, il compte une. هذا, c'est un خطأ. L'essentiel, c'est qu'elle arrive, fil haut. Et هذا, شغل الأدمين, il fait ce dhabi. C'est une cause qu'il y a de la bousculade, هنا. Il y en a واحد, au lieu de passer 2 minutes, 3 minutes pour jeter les pierres, ربما, il reste une demi-heure. Et là, je sais que ça fait la bousculade, بسبب هذا. قال ولكنه غير مراد بل المقصود أن يقع الحصى في الحوض سواء ضربت العمود أم لم تضربه c'est ça à savoir et on fait attention هنا à ne pas faire mal à ses frères musulmans وبعضهم أولا ils prennent des c'est pas des pierres qu'ils prennent ربما c'est un rocher et il fait du mal بعضهم ils tapent son frère au lieu de viser le حوض ils tapent son frère لأنه il est بعيد. فأخي الكريم الهدوء والسكينة premièrement le calme tu te rapproches حتى tu fais pas de mal si t'es loin ربما tu tires sur un de tes frères tu te rapproches et الهدوء الله أكبر jusqu'à que tu finis هذا et des pierres فلا حاجة وبعض الجهال كذلك ils pensent que الشيطان il est هناك il veut tirer des choses pour faire du mal à الشيطان بعضهم des couteaux بعضهم هذا tout ça c'est من الجهل c'est une عبادة. C'est une ibadah. Qissa Ibrahim, alayhi salatu wassalam, ce qui s'est passé, c'est la cause. Ou nous, on fait ça par rapport à ce qui s'est passé. Lakin, al-maqsoud, huna, c'est l'ibadah. C'est l'ibadah. Nous, on fait hakada, liyan le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit de faire hakada. Non, mais le shaytan, si tu veux le harb, suis le prophète, alayhi salatu wassalam. Écarte-toi du shirk, écarte-toi des bid'a. Écarte-toi des ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne te rapproche pas des alliés d'Iblis. هكذا تحارب إبليس بالذكر بالدعاء بالإخلاص بالعبادة tout ça إن شاء الله tu feras du mal à إبليس et كيد الشيطان il est ضعيف أما بعض الجهال ils pensent qu'en lançant certains trucs il fera du mal à إبليس هذا c'est من الجهل ذهب الوقت نكتفي بهذا إن شاء الله il reste pas beaucoup le dars de demain on essaye de finir وما أظن demain on est jeudi نعم الخميس إن شاء الله demain on fait dars. Et بالمناسبة العفو la semaine dernière مستطعنا j'avais dit qu'on ferait si on pouvait le khamis jeudi lakin on l'a pas fait et inshallah demain on fera il faut qu'on finisse l'an baqi qalil et الحقيقة il reste un peu اما الاعمال qu'on va voir l'an التواف etc on l'a tout vu enfin on citera certaines مسائل qu'on n'a pas vu Thomas il manquera les trois derniers jours à Mina et ça sera Rami al-Jamarat ce qu'on a cité l'an enfin inshallah si on peut finir demain tamam. On est jeudi, si on peut finir demain, tamam. Le 8 de Dhul-Hijjah, c'est bientôt. Si l'Eid c'est jeudi, mercredi 9, le 8 c'est mardi. Enfin, Inch'Allah, si on finit demain, tamam, ou si on finit pas demain, on verra si on peut faire dars vendredi, ou samedi, ou lundi. Alors, si il manque un dars, fa l'amr, sahl. Hayyakum Allah wa barakallahu fikum.